Oui, j'ai une réservation avec Pierrot, s'il vous plaît. À la table au fond. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. Pardon. Pardon, oui. Ah, Pierrot, ça va? Comment tu vas? Ah, les langues, ça fait au moins 10 ans qu'on s'est pas vu. Oh, t'as toujours la même taille, tout va bien? Bon, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une famille, une maison en banlieue, tout va bien, quoi, je suis devenu riche. T'imagines, j'ai travaillé dur et j'ai réussi. C'est blague, hein? Bon, qu'est-ce que tu me racontes? On nous parle du monopole. Ce gros monstre qui dégueule. Encore une belle histoire. Et qui se bat contre l'autre pour manger tout. Pour un manger café, tout. S'il vous plaît, oui. Oui, pour la table, si, oui, je suis pressé. On nous parle de concurrence. Alors on nous crée le mérite. Bah, regarde où j'en suis, moi. D'en avoir plus que l'autre. Car on est plus beau. Car on est plus beau. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On se doit de breveter nos idées. Ah, ça me rappelle mon pote, ça. Pour que si l'autre aime B. Bah oui, mais bon. Pour dire qu'on est le premier. Et qu'on encule l'autre. Et qu'on encule l'autre. Bah, tout de suite, des grands termes, voyons. C'est un peu précipité la chose. Bon, sinon. Je t'ai raconté, là, j'ai racheté une maison, là, dans le sud. 1 million de lots 2, une affaire énorme. Bon, je l'ai pas encore vu, mais bon, c'est prévu avec la famille d'aller les voir. Mais bon, les vacances, je sais pas quand ce sera, les prochaines. Mais bon. On nous parle de propriété privée. J'en ai même 2. La terre que tu peux posséder. Ah, ça fait plaisir, hein. Si c'est trop grand qu'on veut te voler, tu mettras des barbelés, Ouais. Même des caméras et un gardien, mais c'est plus sûr. Et on nous parle de la police. Qui s'occupe de tous nos vices. J'ai des voisins intermittents là. Et qui sera là toujours. Si ton voisin te saoule. Ah, ben ils sont un peu bruyants, ils me font peur quand même. Moi qui croyais en un monde. Un chouïa moins déshumanisé. Grandis, Pierrot, grandis. Un chouïa moins égocentré. Me v'là le cul sur le poêle. Ah, ouais, bah la première fois ça m'a fait ça aussi, hein, comme effet. Hein. Il va falloir se bouger. Bah, c'est ce que je fais, regarde où j'en suis. Pour défendre nos idées. T'as un travail? Et pas avant Noël, j'ai encore des intérêts. Et t'as encore des intérêts. Excuse-moi, Pierrot. Ouais, excuse-moi. Allô, chérie? Oui. Oui, allô? Mais arrête de crier! Je suis juste au bout du fil là, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quoi? Les enfants? Arrête de crier, je te l'ai déjà dit, calme-toi. Oui. Là, les enfants, 250 au lieu de 200 pour Noël. Pourquoi? Mais tu les tiens pas en laisse, tes enfants, c'est ça? Non, mais c'est de ta faute, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais mon travail, hein, tu sais. Je ramène l'argent, t'as la nourriture, t'as même une voiture, des bijoux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas me reprocher encore? Occupe-toi de tes enfants, je te donnerai 250. Si ça les calme, vas-y. Mais au moins, m'embête plus. C'est fini, tu vois, d'accord? Ok, bah bonne soirée.